Un micro ouvert où c'est la deuxième partie de Baise ton prochain et l'art d'abuser d'autrui. Une conférence de Dany Robert Dufour. C'est la deuxième partie là maintenant. Et c'est plutôt. Donc la première partie, on entend vraiment. Ben là aussi, on va entendre hein, Dany Robert Dufour. Mais disons que là, il explique vraiment ce qu'il y a dans son bouquin, ce qu'il y a dans ses bouquins, parce qu'il parle de plusieurs bouquins. Et là maintenant, c'est plutôt. Le débat avec les gens dans le public qui posent leurs questions. Donc voilà. Deuxième partie maintenant. Dire que c'est une conférence du 16 du 12 2021. Voilà, j'ai tout dit. Micro ouvert. En fait, je vais commencer par une question de simple curiosité. Étant anti-macroniste un peu primaire, je me demandais pourquoi vous n'aviez pas, vous avez utilisé un pseudo pour publier ce pamphlet qui est à croquer, et pourquoi? Voilà. Puisque après vous êtes rapidement dévoilé, si je puis dire. Oui. Alors, bon, tout ça vient d'un coup monté, puisque ma buse fait des coups, donc il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas des coups. Ça vient d'un coup monté avec mon ami et agent qui s'occupe de mes travaux. On s'est mis à parler une fois d'un texte qui était paru en 1975-76 d'un situationniste italien qui s'appelait Sanguinetti et qui avait monté un coup et qui avait écrit un livre où il se présentait comme un dirigeant de la démocratie chrétienne qui était aux abois à cette époque en Italie avec les affreux gauchistes qui étaient là partout. Et donc, qui avait écrit un livre qui s'appelait Véridique rapport sur les dernières chances de sauver le capitalisme en Italie. Et ça avait fait un tabac, mais vraiment terrible, parce qu'il se présentait donc comme le chef de la démocratie chrétienne en disant, écoutez, bon, on est foutu, le capitalisme est foutu, on est foutu. Donc il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est qu'il faut cogérer le pouvoir avec les communistes. Et c'est la seule façon de. On leur donne un petit peu de trucs, ils seront contents. Comme ça, on pourra sauver le capitalisme en leur déléguant quelques petits trucs. Alors évidemment, c'était un coup monté, parce que Sanguinetti, c'était pas. C'était un gauchiste à l'époque. Et donc, il a pris la personnalité d'un responsable de la démocratie chrétienne pour révéler une idée qui était dans, effectivement, l'esprit de la démocratie chrétienne pour sauver le capitalisme en Italie. Et ça a tellement bien marché que l'idée a été reprise effectivement après sous le nom de compromis historique entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien qui a laissé sa peau hein, dans cette affaire, tout simplement. Et alors on s'est dit, mais pourquoi on ne pourrait pas faire un coup comme ça? Tu vas dire que tu es un proche conseiller de Macron dans ton bouquin, tu vas montrer que tu connais plein de trucs, je te file quelques tuyaux, et puis tu vas dire quels sont ses plans. Et donc, tu vas prendre trouve-toi un nom. Alors, j'ai cherché plusieurs noms, etc., etc. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur Démosthène. Pourquoi Démosthène? Parce que Démosthène, c'était un avocat, rhéteur, grec, de l'époque, élève de Platon, qui dénonçait dans tous les procès l'hubris, la démesure. D'un certain nombre de gens très puissants de la cité. Et donc, c'était un nom tout trouvé pour donc indiquer l'hubris de notre jeune président. Et donc, c'est comme ça que j'ai publié sous le nom de Démosthène, en faisant semblant d'être au courant de secrets d'État, etc. Et ça a marché. Finalement, j'ai réussi à créer donc l'illusion que je savais quelque chose et qui, après coup, dont certains se sont révélés, effectivement, être véritablement... Alors, donc, je vous renvoie donc à ce livre, mais j'y indiquais un certain nombre de projets qui se sont effectivement, qu'on ne connaissait pas à l'époque, mais que par déduction, je me suis dit, il ne peut que faire ceci. Et je les ai écrits comme si j'avais été parfaitement au courant de ces projets. Et de fait, ça a marché comme ça, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si vous me dites que vous avez trouvé le livre convaincant. Tout à fait. Bon, alors voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. C'était un coup littéraire. C'était une imposture pour savoir le vrai. Voilà. Et je trouve que c'est, on n'utilise pas assez ces procédés littéraires. Parce que maintenant, bon, tout, vous savez, tout est absolument vérifié, on voit si c'est vrai, si c'est faux, etc. etc. Or, il y a dans toute l'histoire de la littérature, y compris depuis Voltaire, des impostures, où, et même, c'est un fondement de la pensée philosophique. Regardez comment travaille Socrate. Socrate, donc, simule la pensée de l'autre pour amener l'autre à donc dire « oui, oui, c'est effectivement cela, etc. » Donc c'est des procédés de construction rhétorique, avec une imposture qui permet de révéler quelque chose qui est effectivement en cours. De la même façon que quand Fritz Lang monte son personnage, Mabuse, il monte son personnage pour révéler quelque chose qui est effectivement dans les fonctionnements, c'est une fonction sociale diffuse et disséminée, la fonction de prédation dans la société, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Quand je dis que il faudrait penser le lien social sous la forme du lien entre le pervers et le névrosé est celui qui n'ose pas, qui se fait rouler toujours. Et le pervers, c'est celui qui y va, qui fonce. Mais il fonce pourquoi ? Il fonce pour prendre à l'autre. C'est la prédation, prendre à l'autre, prendre quelque chose à l'autre, et si possible, tout. Et donc, il y a quelque chose comme ça sur quoi il faut travailler dans le lien social. Il ne faut pas être gentil quand on travaille dans le lien social. Dire que nous sommes tous frères, etc., etc. Non, nous ne sommes pas tous frères. On se fait couillonner, et il faut révéler à chaque fois qu'on se fait couillonner, avec des groupes de gens toujours très précis et des techniques très précises qui essayent de vous couillonner pour vous prendre quelque chose. Je dis ça tout simplement, je vais vous lire un autre petit bout parce que je ne suis pas le seul tout à fait à penser ça. Il y en a un autre que je vais vous citer, si je le retrouve là-dedans. Ah, je ne sais pas ça. Non, attendez, on va le retrouver. Pas vous faire rater ça quand même. Voyons voir. Oh. Il faut l'acheter. Oui, je suis désolé, il faut l'acheter. Il faut vous le retrouver. C'est des manipulations. Je ne veux pas du tout vous forcer, au contraire, mais là, il n'y a que ça comme solution. Hein, si vous voulez lire cette partie extrêmement importante, il faut absolument acheter ce livre. Ah non, ça y est, j'ai retrouvé. Non, non, non. Vous voyez que je suis bon, hein, quand même. Alors, je ne suis pas le seul à penser ça, que, bon, il y en a qui essayent de vous couillonner. Il y a un dénommé Freud, par exemple, qui pensait ça. Vous lisez, par exemple, dans ce grand texte qui s'appelle « Le malaise dans la civilisation ». L'homme n'est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être au contraire qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne dose d'agressivité. Pour lui, par conséquent, le prochain n'est pas seulement un auxiliaire et un objet sexuel possible, mais aussi un objet de tentation. L'homme est en effet tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Qui aurait le courage, en face de tous les enseignements de la vie et de l'histoire, de s'inscrire en faux contre cet adage ? Dans certaines circonstances, quand par exemple les forces morales qui s'opposaient à ces manifestations et jusque-là les inhibées ont été mises hors d'action, l'agressivité se manifeste aussi de façon spontanée et démasque sous l'homme la bête sauvage qui perd alors tout égard pour sa propre espèce. C'est la fonction de prédation. Et la fonction de prédation, c'est l'envers du lien social. Parce que dans le lien social, il y a deux côtés. Il y a le lien social. Ça a été parfaitement théorisé par un grand théoricien, anthropologue, qui s'appelle Marcel Mauss. Donner, recevoir, rendre. Voilà, je vous donne quelque chose, vous le recevez, et puis vous dites, bah, il a été sympa, il faut quand même lui rendre quelque chose. Bon. Parce que si je ne lui rends pas, il va peut-être se mettre en colère hein, aussi. Bon. Alors ça, c'est le lien social. Donner, recevoir, rendre. Ça met en jeu toute une série de relations. Hein. Ce n'est pas simplement la valeur économique des objets. Et puis, il y a le lien social. Alors, le premier lien, on l'appelle l'échange symbolique, donner, recevoir, rendre. Et le lien asocial, c'est l'échange diabolique. Prendre à l'autre, refuser de rendre, garder. Prendre, refuser, garder, c'est le lien asocial. On appelle ça l'échange diabolique. Et donc, c'est les deux côtés du lien social qui existent, qui sont imbriqués, intriqués l'un dans l'autre. C'est pour ça, donc, que j'ai essayé de faire voir cet autre côté du lien social dans toute une série de figures où sont à l'œuvre donc, ces formes de la prédation sociale dont parle Freud, prendre à l'autre, prendre quelque chose à l'autre. En fait, on voit dans nos sociétés que la fabrique du droit, c'est un truc qui finalement nous assujettit aussi. Et dans Docteur Mabuse, dans un de vos chapitres, c'est ce juge brésilien qui finalement décide de... Contrairement au coup d'État violent, lui, il imagine, c'est le docteur Mabuse qui parle, un coup d'État autre, mais un coup d'État quand même. Bah oui, bien sûr. Oui. Si vous pouviez un peu nous décrire ça. Ben oui, parce que le rêve du pervers, quand même, de celui qui pratique la prédation sociale, c'est d'incarner la loi, le droit. Alors, dans le premier Mabuse, par exemple, Mabuse est poursuivi par le procureur Wenck. Ouais. Tout le film, c'est poursuivi, ouais. Et finalement coincé par le procureur Wenck. Mais si Mabuse pouvait être le procureur, ça serait encore mieux pour qu'il fasse ses coups. Et donc, s'il occupait une fonction dans l'appareil judiciaire, légal, ça serait encore mieux. C'est ce qui s'est passé au Brésil. C'est ce qui s'est passé au Brésil dans un épisode particulièrement tragique du Brésil, qui a été donc les élections de 2017 au Brésil, où l'ancien président fameux qui avait sorti le Brésil de partie de la population brésilienne de la misère, pas rien, hein, 30 ou 40 millions de personnes, considérable, développer le Brésil, l'éducation, l'enseignement supérieur, etc., etc., etc., donc, et qui était la bête noire de ce qu'on appelle la Casa Grande. La Casa Grande au Brésil, c'est la maison de l'ancien maître, hein, maître blanc qui avait des esclaves sur ses propriétés dans l'exploitation du cacao, du café, etc. On les appelle toujours la Casagrande. La terreur, donc, de la Casagrande, qui possède tout l'appareil d'information au Brésil. Il y a 6 familles qui possèdent 99% des moyens d'information, y compris la télévision, TV Globo, etc. La terreur, donc, c'était que Lula revienne. Lula, c'est pas un communiste méchant, révolutionnaire, etc. Pas du tout. C'est un réformateur, centriste, mais qui a réussi à faire quelque chose qui était inacceptable pour la Casagrande. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on a monté des coups contre Lula, des coups judiciaires, par un juge qui va maintenant se présenter pour les prochaines élections de 2022 au Brésil, qui s'appelle le juge Moro, qui a monté de toutes pièces 12 chefs d'inculpation, qui a conduit donc, comme par hasard, à l'emprisonnement de Lula, un an avant les élections, alors même qu'il n'avait pas le droit de l'informer, puisque toutes les procédures d'appel n'étaient pas arrivées à terme. Et qu'au Brésil, donc, il y a la loi dite de l'habeas corpus qui fait que on n'a pas le droit d'emprisonner quelqu'un tant que les procédures d'appel n'ont pas été toutes utilisées jusqu'à leur fin. En dépit de ceci, il a été emprisonné pour qu'il ne se puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Résultat, il est arrivé ce monstre au Brésil. C'est un Jair Bolsonaro, qui est un ancien militaire, qui a toujours dit « Je suis militaire, je ne sais faire qu'une chose, c'est tuer ». Et il le fait très bien. C'est le pays où il y a eu, au monde, 1700 000 morts. C'est 2 à 3 fois plus important du coronavirus, parce qu'il a refusé absolument toutes les mesures de prophylaxie, le vaccin, etc. Dévastation du Pantanal, dévastation de l'Amazonie, dévastation de tout ce qui reste comme aide pour les classes pour s'élever et rentrer dans les circuits économiques, etc. Il se trouve que la Cour suprême s'est un peu réveillée et a remis son nez dans les affaires instruites par le juge Moro à l'encontre de Lula et que tout s'est effondré, tout. Il ne reste rien des 12 chefs d'inculpation. C'est un montage total. Un montage total. C'était un château de cartes qui s'est écroulé comme ça devant tout le monde. Résultat, Lula maintenant est probablement capable de se représenter pour les élections de 2022. Du coup, j'ai peur pour sa vie. Voilà. Question ? Voilà. Actuellement, il y a un antagonisme entre les États-Unis et la Chine. D'un côté, nous avons une société complètement capitaliste. Et de l'autre côté, nous avons une société hybride entre capitalisme et communisme. Qu'est-ce qui pourrait arriver actuellement ? Étant donné que bon, la Chine vient d'interdire la spéculation immobilière, les enfants ne peuvent plus aller que 3 heures semaine sur les consoles vidéo. Ils interdisent également la spéculation sur l'éducation. Voilà. Est-ce que, on ne devrait pas, quelque part, un peu s'inspirer de ce que fait la Chine, sans tomber dans l'excès ? Mais nous sommes tout autant surveillés ici avec, comme vous dites, Facebook, Prism, Echelon, et quelque part, ça pourrait devenir un choc. Et quand on regarde un peu ce qui se passe en Amérique latine, vous vous en parlez, il y a une montée de l'extrême droite dans certains pays, et puis le Venezuela qui est sanctionné parce qu'il préfère, il voudrait avoir une société un peu plus sociale. Et les États-Unis ont un rôle très important dans cette histoire parce que, avec leurs sanctions, c'est comme si au Moyen-Âge, ils faisaient un siège devant les États. Oui. Écoutez, franchement, je n'ai pas la capacité de... Je suis philosophe et je travaille sur des trucs extrêmement précis, sur des techniques de manipulation, des choses comme ça. Et j'entends bien votre question, je trouve qu'elle est importante, mais moi je ne me sens pas la capacité d'y répondre correctement avec mes moyens d'analyse. La seule chose que je peux dire, c'est que la présence des États-Unis dans ce que je viens d'évoquer, par exemple au Brésil, a été absolument motrice. C'est que toute cette affaire contre Lula s'est montée au Brésil en prétextant la lutte contre la corruption. Je ne dis pas que la corruption n'existe pas au Brésil, ni qu'elle n'existait pas chez Lula, à l'époque de Lula, c'est très vraisemblable. Mais je dis qu'il y a eu un usage de la lutte contre la corruption qui est un usage pervers de la lutte contre la corruption. Pourquoi ? Parce que, comme toujours, on a fait appel à la vertu des névrosés pour dire « Regardez comme Lula est, c'est un corrompu, regardez, nous avons les preuves. » Les preuves étaient montées. Hein. Tout s'est effondré, je répète, tout s'est effondré. Preuve montée, regardez lui, c'est un corrompu. Il faut que vous, qui êtes des honnêtes gens, puissiez faire en sorte que vous ne soyez plus dirigé par des corrompus comme lui. La lutte de corruption, contre la corruption sert, menée par les États-Unis, a servi paradoxalement à exempter les plus corrompus, les plus pervers, de cette lutte contre la corruption et accuser ceux qui ne l'étaient pas ou beaucoup moins. Et tout ça a été monté. Donc, j'examine de façon très très précise hein, l'implication des États-Unis avec les telex qui étaient envoyés par les ambassadeurs américains, les séances de formation faites aux juges pour poursuivre les entreprises brésiliennes qui étaient supposées être corrompues, etc. Donc, il y a une présence massive des États-Unis dans ces techniques de manipulation. Donc, pour aller un tout petit peu dans essayer de répondre à votre question, j'imagine que la présence, je ne pense pas du tout que la Chine soit un pays absolument exemplaire, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a une utilisation par les États-Unis à l'encontre de la Chine et à propos de nos opinions occidentales, de ce qui se passe en Chine, qui est un trucage, un montage pervers d'informations. Par exemple, je vais prendre quand même un exemple. Alors, les populations dites, les populations ouïghours du Xinjiang, qui sont, dit-on, enfermées, maltraitées, rééduquées, etc. Pourquoi ne dit-on pas qu'au Xinjiang, il y a eu des attaques terroristes dans la capitale, à la gare par exemple, la capitale du Xinjiang, par des groupes qui étaient des groupes islamistes, puisque ce sont des musulmans, donc certains étaient extrêmement radicalisés, qui sont arrivés à la gare avec des machettes, avec des haches, et qui ont commencé à couper tous ceux qui étaient alentour, chinois, etc., à la hache, couteau, machette, etc. C'était l'équivalent, et ça s'est reproduit plusieurs fois, des attentats de Paris. Donc la Chine a subi ça au Xinjiang. Quand les Français subissent ça, ils envahissent le Sahel, la Mauritanie, etc., etc. On ne dit pas que ce qui se passe au Sahel, en Mauritanie, par l'armée française, l'opération Barkhane, c'est des opérations pour, je ne sais pas, éradiquer les populations de ces quatre pays, donc du Sahel. Pourquoi le dit-on à propos de la Chine, alors qu'elle opère à l'intérieur de son territoire ? Donc je pense que là, il y a une inégalité de traitement avec une, ce qui me semble, je ne dis pas que la Chine est innocente ou qu'il n'y a rien à dire, mais je pense que ne pas rappeler cette histoire à propos des Ouïghours et à propos des attentats terrifiants islamistes sur la capitale, la gare et ailleurs en Chine, relève de quelque chose qui est une information faussée. Pourquoi ne le rappelle-t-on pas ? Alors maintenant, on voit quantité de gens, Ouïghours. Vous savez, c'est bon, comme De Gaulle disait, l'Europe. Donc maintenant, vous dites la Chine, c'est les Ouïghours. Bon, non, il faut quand même examiner les choses d'un peu plus près, parce que ça aussi, ça peut faire l'objet de manipulations massives dans le climat de guerre froide dans lequel nous retombons. Et donc, je ne suis pas prêt à me laisser, bourrer de mou par la propagande américaine sur ces trucs-là. Je demande à voir. Voilà ce que je peux dire. Je vais un peu revenir sur la Chine. Enfin, vous avez parlé au début de croyances religieuses ou non. Et qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui ? C'est que dans les jours qui viennent, j'ai un peu perdu le compte des dates, mais on a vu que M. Biden, a organisé un sommet international de tous les 110 chefs d'État sur la démocratie. Oui. Et on a vu qu'à un même moment, la Chine a rétorqué par un grand discours où elle disait que la vraie démocratie, c'était elle. Oui. Et pas la plutocratie américaine. Oui, oui. Et donc la démocratie est vraiment au centre d'une guerre froide, je pense, actuellement. Oui, absolument. Oui. Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, oui, on pourrait dire aussi autre chose dans ce que vous amenez, qui est extrêmement intéressant, c'est que cette rencontre, le sommet de la démocratie, s'est terminée le jour même où on apprenait que Assange allait pouvoir probablement être extradé aux États-Unis. Assange, qui a permis de découvrir les horreurs que l'armée américaine faisait dans les camps en Syrie, en Irak, avec des exactions innommables, quasi nazies. Hein. Et donc, c'est ce jour de la démocratie qu'on va permettre à Assange d'être extradé aux États-Unis, dont on disait, les Américains ont laissé entendre, qu'il pourrait être enfermé à Guantanamo pour avoir dévoilé des exactions terrifiantes des Américains dans leur camp. Bon, alors, c'est ça aussi le jour de la démocratie. Hein. Donc là aussi, il y a des manipulations de masse sur ce qu'on appelle démocratie. Moi, je n'appelle plus démocratie les lieux où on peut lire les informations de tout un chacun à tout instant par des groupes, qui soient des groupes étatiques ou des groupes privés, qui peuvent manipuler ces informations à tout instant. Question suivante. Adam Smith, qui est considéré comme le père officiel du capitalisme, a reconnu qu'il s'était largement inspiré de Mandeville, oui, en lissant le discours, en le rendant un peu plus chrétien pour qu'il soit acceptable. Oui, oui. Dans ce discours, la seule valeur qui compte, finalement, c'est la valeur monétaire, le capital. Oui. Et toutes les autres valeurs sont négligées. Oui. Ça a marché, vous l'avez dit, pendant 3 siècles, même si maintenant les limites semblent atteindre de l'exploitation de toutes les ressources terrestres. Et au début, Christian et vous avez dit que l'avenir, c'était peut-être dans le convivialisme qui est justement anti-utilitariste. Alors, oui, J'aimerais en savoir un peu plus sur cette pensée positive que vous avez en disant la solution, c'est dans le convivialisme qui est lié aussi à Mauss par mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Oui, oui. J'aimerais remettre ça. Oui. Alors, écoutez, on a les convivialistes, c'est un petit groupe d'intello en France, et puis ensuite ça s'est élargi un peu, et puis maintenant c'est en train de devenir une espèce d'international convivialiste. Le dernier livre qu'on a sorti, Second manifeste du convivialisme, a été signé par 300 ou 400, mais vraiment des penseurs de très haut vol dans le du grand pays du monde. Et l'étape prochaine, donc, c'est une internationale intello. Ça veut dire qu'on ne veut pas se fonder en parti politique, mais en ressources pour pouvoir penser le monde et mettre ces ressources à disposition des gens qui veulent essayer de réfléchir, travailler et élaborer donc des stratégies pour essayer de d'obvier au cours assez funeste qu'a pris le monde. Alors, il y a dans les principes du convivialisme cinq principes. Vous savez que dans les grands moments de drame de l'humanité, de crise de l'humanité, je pense qu'on a un moment de drame et de crise dans l'humanité, comme par exemple au cours de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre d'esprits, de penseurs, venant d'horizons divers, se sont posé la question de recréer le monde sur des bases qui étaient des bases vivables. Et donc le principe qu'ils ont adopté, c'était le principe d'égale dignité des êtres humains. C'était évidemment important à l'époque du nazisme et aussi du stalinisme, puisque à l'époque du nazisme, il n'y avait pas égale dignité des êtres humains, donc il fallait absolument reconstruire le monde et les institutions du monde dit libre sur le principe d'égale dignité des êtres humains. Ce qui a permis donc de construire toute une série de systèmes sociaux, éducatifs, d'information, bancaire même, aidez-moi le grand économiste qui participait aussi à ce mouvement anglais, Keynes, bien sûr, Keynes, n'avait pas eu la mauvaise idée de mourir avant que, 3 semaines avant qu'un nouveau système bancaire et d'échange entre les nations puisse être mis en place. Mais enfin, ceci a globalement fonctionné. Vous trouverez tout ceci bien expliqué dans le livre d'un quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un ami, qui s'appelle Alain Supiot, qui était professeur au Collège de France et qui a écrit ce beau livre qui s'appelle « L'esprit de Philadelphie ». Justement, c'est comment reconstruire le monde à l'aide d'un certain nombre de principes, notamment ce principe de dignité. Je pense que notre devoir d'intello maintenant aussi, c'est d'essayer de savoir comment reconstruire le monde aujourd'hui, alors qu'il est en dévastation politique, financière, morale, écologique, etc., profonde. Et donc, on a essayé de mettre en place 5 principes. Le premier principe, c'est celui de commune humanité. Commune humanité, c'est important pour des tas de raisons, notamment une, c'est qu'il se profile un horizon qui est celui d'une scission dans la commune humanité. Pensez par exemple à ce qui pourrait arriver avec le transhumanisme. C'est une divergence dans l'humanité entre ceux qui seraient augmentés, donc les autres seraient diminués du coup. Bon. Principe de commune socialité. Nous appartenons tous à des échanges qui doivent se faire à tout niveau et c'est notre principale richesse, les échanges humains. Nous ne sommes pas maintenant dans une commune socialité, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 8 ou 10 personnes dans le monde possèdent autant que 4 milliards d'individus. Donc la commune socialité est rompue. Principe de commune naturalité. Ça veut dire que nous occupons notre place éminente, évidemment, en tant qu'humains dans le monde, mais où nous avons une responsabilité à l'égard de tout ce qui est de l'ordre du vivant. Tout ce qui est dans du vivant, nous avons une responsabilité absolument spéciale, puisque nous seuls avons la conscience absolue qu'il faut garder tout ceci, sinon on détruit ce monde. Principe d'individuation, c'est ce qu'a oublié le communisme, je crois, c'est là où le communisme s'est effondré, parce qu'il fallait que l'individu la ferme pour que la chose collective triomphe. Et on sait où ça a mené. Ça a mené à ces pays qui promettaient donc l'émancipation à devenir de vastes prisons. Donc le principe, le quatrième principe d'individuation est important. Et le cinquième principe, c'est le principe de puisqu'il y a des individualités et qu'elles peuvent s'opposer, de pouvoir s'opposer sans se massacrer. Et pouvoir s'opposer sans se massacrer, c'est trouver toute une série de modalités qui sont des modalités sociales, politiques, constitutionnelles, dont on connaît déjà un certain nombre. Par exemple, je ne sais pas, moi, la bicaméralité, la polysynodie, la séparation des pouvoirs. Mais ça ne va pas assez loin, parce qu'il faut, ça, ce sont des principes formels, il faut aussi des principes qui sont des principes beaucoup plus directs, qui sont à réinventer dans le quotidien, dans le local, dans l'immédiat, pour que les individus puissent s'affronter sans se massacrer. Ça fait partie d'une émulation qui est importante pour l'être humain, de permettre cette émulation. Voilà donc notre ambition, c'est d'essayer de pouvoir penser un autre monde s'il vient, et si c'est possible, à l'aide de ces grands principes, et aussi de penser à la reconstruction des institutions qui ont été détruites par le néolibéralisme, parce que le néolibéralisme veut toujours moins d'État, moins d'institutions. Ça coûte cher d'instituer les individus. Ça coûte trop cher, donc ça vaut mieux les désinstituer pour les laisser aller à leur fonctionnement pulsionnel. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc non, reconstruire des institutions, mais sur la base de ces principes. Voilà globalement le projet convivialiste. Encore une question ? Bonsoir. Moi, j'aimerais vous poser une question par rapport au vote. Je me demandais si, premièrement, en vous mettant dans la peau d'un Belge, étant donné que nous sommes obligés de voter chez nous, si vous voteriez dans le cas où notre vote s'effectuerait de manière électronique chez nous, sur smartphone, sur ordinateur. Et je voulais savoir si vous oseriez voter, sachant la collecte de données oui. Et peut-être un futur... un peu totalitariste qui pourrait arriver. Oui, oui. Alors, il faut que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas un technophobe. Je ne suis pas non plus un technophile. Je suis ni technophobe, ni technophile. Je pense que les techniques, quand elles sont utiles au grand nombre, peuvent être apportées. Et quand elles sont dangereuses, ou potentiellement dangereuses, il faut s'en méfier. Donc ça dépend des techniques. Quand j'accuse le capitalisme numérique de surveillance de masse, je n'accuse pas les techniques, j'accuse le capitalisme d'utiliser des techniques à son profit. Ce qui veut dire que des techniques peuvent être utilisées au profit du grand nombre. Et pourquoi pas, si elles sont contrôlées, des techniques, par exemple, qui ont à voir avec le vote, si ça facilite, par exemple, le vote au moment où il vaut mieux pas trop sortir pour des raisons de pandémie, etc. Et il faut quand même que l'expression démocratique soit respectée. Donc, voilà, ma position, quand j'accuse le capitalisme numérique, c'est pas ces techniques que j'accuse, c'est l'usage de ces techniques qui est un usage détourné, gauchi, biaisé, et donc il faut mettre en question. Mais les techniques, il faut les examiner une par une. Certaines sont extrêmement bénéfiques. Et je ne vois pas pourquoi, par exemple, si on réussissait à produire, je ne sais pas, de l'hydrogène en quantité suffisante et par sans utiliser l'énergie nucléaire ou l'électrolyse, de l'électricité nucléaire, pourquoi on n'utiliserait pas et pourquoi on ne voyagerait pas avec des voitures qui, au lieu de cracher ce qu'elles crachent maintenant, cracheraient des gouttes d'eau. Voilà, je pense que c'est une technique qui serait extrêmement utile à l'humanité pour pouvoir un peu respirer à nouveau dans ce monde, par exemple. Question encore ? Non ? Moi, j'aurais envie de vous entendre. Dans Baisse ton prochain, on arrive à la fin, c'est page 135, vous dites J'ai dit plus haut que le pervers capitaliste cache le trou du monde, son manque, la pénurie permanente, en y posant le super fétiche argent. Oui. J'ajoute ceci, et ce faisant, il couvre le monde de merde. Oui. Car l'argent, c'est de la merde parce que la merde, c'est de l'argent. Oui. Et vous parlez, on est en Belgique, d'une métaphore qui a été inventée par un artiste belge, qui a créé cette machine. Cloaca. Si vous pouvez nous en parler de cette machine. Cloaca. Voilà. Cloaca. Je ne sais pas comment vous le prononcez, Wim Delvoye, c'est ça? Oui, je suis français, donc je ne suis pas sûr que je prononce bien. Écoutez, il a inventé une machine qui est une sorte de métaphore ironique du capitalisme, puisque, je ne sais pas si vous la connaissez, cette machine Cloaca. C'est une machine qui, bon, il a fabriqué toutes sortes de machines à partir d'un premier modèle, mais je crois que le premier modèle fait 5 ou 6 mètres de long. C'est des espèces de cuves avec dedans des acides, des bases, des machins, etc. Et d'un côté, vous lui enfournez donc de la nourriture, la machine digère comme une espèce d'appareil digestif, mais c'est visible. Et à la fin, la machine fait de la merde, des étrons. Et il a enveloppé ces étrons qui est de la vraie merde, c'est digéré exactement comme dans notre, mais sauf que c'est pas nous qui le faisons, c'est la machine qui le fait. Bon, et il a donc mis sur ces étrons qui sont enfermés dans un truc plastique, une résine plastique, une sorte de mention dessus qui est écrit à la façon de Coca-Cola, donc Cloaca. Et il vend ses étrons contre, au début c'était 1 000 $, en disant gardez-les bien, c'est des étrons sur lesquels vous pouvez constituer une solide base spéculative. Donc c'est à la fois ironique par rapport au marché de l'art, extrêmement ironique par rapport au marché de l'art, et une métaphore parfaite pour le capitalisme. Le capitalisme fabrique, transforme notre monde et cochonne le monde. Il couvre notre monde de merde. Et tout cela pour produire de l'argent. Donc on est vraiment là dans une métaphore artistique qui renseigne, qui dit quelque chose sur ce qui est en train de faire le capitalisme actuel avec notre monde. Voilà. Et donc j'ai trouvé que c'était intelligent comme il a introduit Cloaca en bourse. Il a introduit Cloaca en bourse et il propose à chacun de spéculer sur Cloaca, d'acheter des actions Cloaca, etc., etc. Donc en même temps, il y a une ironie qui ne peut se mener que parce qu'il y a une base sérieuse là-dessus, hein, sur une spéculation sur la merde, quoi. Voilà, merde d'argent, la merde qui se transforme en argent et l'argent qui se transforme en merde. En plus, ça rejoint les intuitions freudiennes. Les intuitions freudiennes, c'est que c'est par là que ça commence, les échanges humains. C'est-à-dire, la mère qui, si tu me donnes ton caca, tu auras un cadeau. C'est un échange, c'est l'échange premier. C'est le fondement des échanges humains, voilà. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Alors, il y a plusieurs ouvrages, là. Si certains veulent en acheter, je pense que M. Dufour les dédicacera. Je voulais simplement vous dire qu'on a une nouvelle rencontre le 14 janvier. On ira au Brésil, ou plutôt c'est le Brésil qui viendra vers nous. C'est un autre sujet, quoique. C'est une géographe brésilienne qui s'appelle Larissa Bombardi, qui s'est spécialisée dans les études sur les pesticides et qui a quitté le Brésil il y a presque 6 mois, qui est à l'université de la VUB et qui nous racontera les ravages au Brésil et ailleurs, évidemment, mais notamment au Brésil, des pesticides. Elle est accueillie en ce moment en Belgique où elle est quand même dans une situation plus calme que ce qui la guette au Brésil compte tenu du gouvernement actuel. Voilà, bah écoutez, Monsieur Dufour, encore merci. Merci à nos amis de Point Culture qui nous ont accueillis. On a un peu tardé. Et bien, à bientôt. Voilà. Merci. Allez.